Thank you.

Il est sourd ou quoi, lui? Faut qu'il soit à moins 12 parce que sinon on entend, il couvre tout le monde et on n'entend rien. Bon, les newbies là, vous allez sur le tuto et vous allez regarder comment ça marche ici. Et ben, c'est pas grave, on va l'appeler DJ. Jean-Jacques Goldman, tu veux que je me dise quoi? Et arrête d'écrire en majuscule. Arrête de crier. Mickey, commence pas Mickey. Jean-Jacques. Touche plus rien. vos oreilles au casque. Toi, t'es sur Réanimax, réanimation, Mickey. DJ, je crois qu'il faudra d'abord que tu te mettes sur double 0 décibels. Hein. Et après, tu règles ton son. En fait, là, c'est trop bas. Bon, vous savez quoi, les mecs? Il y a un tutoriel Ninjam. Comment s'en servir? Alors, vous y retournez et vous revenez après. Thank you. direct de ton son. Tu devrais pouvoir, hein.